humains, de la diviser sur une collectivité et de la remettre entre les mains de créatures de l'homme, les dieux, dans le monde de la mort. Les religions manipulent, mais elles instruisent l'homme. Alors, tant que l'être humain n'a pas la faculté de se prendre en main, la religion vous interdit de tuer. Parce que si la religion l'interdirait pas, ben, il y aurait énormément d'humains qui tueraient régulièrement. Une chance que la religion les interdit. Aujourd'hui, l'humain est de plus en plus conscientisé, il y a moins de problématiques. Mais il y a eu de cela quelques 500-600 ans, on ne tuait pas pour ne pas aller en enfer. Éliminer l'enfer. Tout le monde continue à s'entretuer, à se violer, à se voler. Bon. Alors, en plaçant la religion, ça l'a permis à l'animal humain, qui n'avait pas encore conscience de sa conscience, même s'il savait qu'il savait, de pouvoir vivre un peu mieux. Lorsqu'on en arrive à une conscience plus évolutive, la conscience qui nous permet de comprendre l'intelligence d'une loi, eh bien, on n'a plus besoin du régent de la loi. Alors, la religion devient inutile pour celui qui comprend l'intelligence de la loi, parce que seule l'application d'intelligence est suffisante. Il n'applique plus la loi, il applique de l'intelligence. Alors, on n'a plus besoin de policiers, on n'a plus besoin de régents, donc on n'a plus besoin de la religion organisée. Tant que je ne comprends pas la loi, tant que je n'ai pas l'intelligence de comprendre que la vie est importante, la loi et des régents doivent m'interdire de tuer. Lorsque je vois l'intelligence de la vie, je n'ai plus besoin de la loi. Je ne tue pas parce que je vois ça comme étant intelligent. Alors, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les religions ont manipulé l'homme, mais c'est essentiel. La religion manipule aussi à un point tel qu'elle empêche l'homme de croître rapidement, mais il faut bien comprendre que l'homme, de toute façon, n'aurait pas pu croître rapidement. Lorsque l'être humain se réveille grâce à la religion, parce que celle-ci l'a empêché de grimper. Lorsqu'il commence à sortir, ben là, il commence à avoir du ressort, puis il peut sortir drôlement bien, drôlement vite. Même s'il y a des problématiques, la religion veut quand même le conserver, au nom du fait que lorsqu'un égrégore divin n'est plus nourri, il meurt. Et les religions, les dieux, créés par l'homme dans le monde de la mort, sont des phénomènes égoïques au même titre que les égos qui habitent chacun d'entre l'homme de la planète. Et lorsqu'il n'est plus nourri, il meurt. C'est pourquoi les vieux dieux sont morts, Mammon est mort, et d'autres dieux romains sont morts lorsque les Romains ont commencé à se convertir à la chrétienté. Alors, lentement, lorsqu'on ne nourrit plus un dieu, ce dieu meurt. Il y a des petits ressauts de temps en temps, des petites apparitions un peu par-ci par-là pour essayer de raffermir les fidèles, mais à un moment donné, le dieu, il est parti. Nourrir la mémoire d'une maladie peut-il être la dernière chose qui me rattache à elle, ou plutôt qui fait que je l'attache à moi? Il y a différentes formes de maladies. Il y a des maladies qui sont karmiques, il y a des maladies qui sont planétaires, il y a des maladies qui sont génétiques, il y a des maladies qui sont instructives, il y a des maladies qui sont simplement passagères. Ça dépend encore de l'individu. On peut peut-être jaser après la conférence de ce phénomène-là, et puis on pourra voir un peu plus. C'est un peu compliqué de répondre comme ça. En mourant, une conscience collective retourne à son esprit. Une conscience individualisée rejoint son double éthérique. Qu'advient-il entre les deux? On a le choix. On rejoint son double éthérique ou on rejoint la conscience collective, donc le monde de la mort. Lorsque le double éthérique n'est pas suffisamment constitué, une partie de notre entité ira dans le double éthérique, le reste gagnera le monde de la mort, le reste se réincarnera pluralitairement, mélangé avec d'autres personnalités réincarnatives, et la partie du double éthérique qui a été intégrée, elle pourra se réincarner, soit dans un véhicule particulier, soit qu'elle se fusionnera à d'autres doubles éthériques en constitution, reliée au même faisceau énergétique d'évolution, et ça constituera un être humain qui pourra renaître pluralitairement, il se fusionnera sur le plan planétaire et par la suite, il deviendra lui aussi immortel. Comment s'énergiser soi-même? Comment se monter au niveau post-conférence ou post-atelier et le plus souvent possible avec l'aide de son ajusteur de pensée? Bon, une personne qui fait une conférence ou qui fait mon séminaire, après le séminaire, elle est énergisée pour à peu près un mois. Alors, elle flotte, elle voit clair, elle comprend. La personne pose donc la question, comment parvenir à remonter là avec son ajusteur de pensée? On doit comprendre qu'on doit rencontrer une personne qui est suffisamment égoïsée pour travailler avec nous et on doit s'arranger pour parler. J'ai déjà expliqué comment on devrait travailler pour que l'ajusteur de pensée finisse par fonctionner, comment s'énergiser. Je répète brièvement, on doit faire attention pour ne pas engendrer une guerre d'égo. C'est pas le meilleur qui gagne. Alors, je pose une question géniale, et l'autre de poser une question encore plus géniale. Moi, je dois poser une question encore meilleure, on ne répond jamais, on ne fait que poser des questions. Et là, on va s'énergiser. Et là, on fait travailler l'ajusteur de pensée. Lorsque l'humain arrête de nourrir les dieux, qu'est-ce qui arrive ou arrivera? La coalition mentale, dans les 200 ou 300 ans à venir, va faire en sorte que l'humain cessera totalement de prier en fonction de nourrir le monde de la mort, mais priera en fonction de nourrir le monde de la vie. Donc, il sera capable maintenant de retirer en banque les trésors qu'il a placés là depuis des milliers d'années, et il aura la faculté de transformer des déserts en jardins de culture. Il ira prendre de l'énergie pour s'en servir, alors que depuis des milliers d'années, il met son énergie là parce qu'il n'a pas la faculté de s'en servir, et au lieu de la gaspiller en colère, en guerre ou en connerie, il la place dans le ciel, là où de toute façon son énergie ou ses trésors sont bien conservés. Lorsque l'être humain commencera à prier d'une façon neuve, où il pourra appliquer dans le monde de la vie les énergies placées dans le ciel, eh bien, les dieux seront de moins en moins nourris, l'être humain nourrira de plus en plus sa propre conscience, et on pourra donc dire que Dieu se fait homme. C'est-à-dire que le monde de la mort va disparaître totalement, il n'y aura plus de monde de la mort, donc il n'y aura plus de monde d'égrégore, donc il n'y aura plus de Dieu, il n'y aura plus de mécanismes archangéliques qui sont des copies conformes de ce qui existe au-delà du monde de la mort. L'être humain aura donc accès immédiatement et instantanément aux cieux, donc à l'intelligence supramentale en premier recours, deuxièmement à l'amour bouddhique, troisièmement à l'intentionnalité divine. Ce sont des noms qui sont un peu bizarres, mais l'être humain aura une intentionnalité, donc un libre-arbitre parfait et total. Il aura du cœur dans son intelligence et il sera un être à part entière. Il ne sera plus humain ou animal. Il aura un corps morontien, donc un endobétérique. Il s'y sera fusionné, il ne mourra plus et nécessairement il ne connaîtra plus le monde de la mort parce que le monde de la mort n'existera plus. C'est ce que dans l'Apocalypse de Jean de Patmos, il essaie de dire lorsqu'il dit qu'à un certain niveau de l'évolution de la planète, lorsque l'homme cherchera la mort, il ne la trouvera pas. Parce que lorsqu'il se suicidera, il se réincarnera immédiatement dans quelqu'un d'autre. Et il ne pourra pas gagner le monde de la mort, celui-ci n'existera plus. Lorsque l'homme cessera de nourrir les dieux disparaîtront. Et ces dieux qui sont des copies conformes de la réalité, ces dieux qui sont des vérités, ou encore qui sont des copies de vérité, donc des mensonges, seront fusionnés dans l'homme sous forme d'énergie. Et l'homme aura accès à un savoir instantané. Il ne croira plus parce qu'il saura. Pourquoi parler des dieux si, logiquement, s'il n'y en a qu'un? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul dieu. Lorsque les hommes prient, ils prient des dieux différents. Et on ne peut pas dire que Allah, c'est la même chose que mon père, que mon dieu, que Yahvé, que Jéhovah. Pourquoi? Parce que même sur la planète Terre, ceux qui prient ces différents noms font la guerre. Alors, il y a des dieux qui demandent à leurs fidèles de marcher à genoux. D'autres dieux qui demandent à leurs fidèles de mourir sur des champs de bataille en tuant des infidèles. D'autres dieux qui disent à leurs fidèles de prier régulièrement et de convertir. D'autres dieux qui disent à leurs fidèles d'étrangler un étranger régulièrement. On parle du culte de Kali. Et là, on va dire, oui, mais Kali, ce n'est pas un dieu. Oui, c'est un dieu. Il est prié, il est honoré, il est vénéré au même titre que les autres dieux de cette planète. Chaque dieu a sa façon d'être nourri, sa façon de diriger ses fidèles, et chaque dieu a ses propres lois de dieu. Certains dieux obligent encore la circoncision. D'autres dieux, ce n'est pas nécessaire. Certains dieux refusent les transfusions sanguines. D'autres dieux, ça ne dérange pas. Ne me dites pas qu'on s'adresse sur la planète Terre à un seul dieu. Ça s'adresse à un paquet de dieux. Là, l'être humain va vouloir dire, oui, mais moi, je parle du vrai dieu que tout a engendré. Le vrai dieu que tout a engendré, l'humain n'a jamais réussi encore à se communier avec. Lorsque l'on prie, on ne prie pas ce dieu. Lorsque le Nazaréen disait, vous pouvez prier si vous voulez, mais une chose qui est certaine, c'est qu'avant même que vous le demandiez, vous l'avez reçu. Bref, priez pas pour ça. Ce phénomène-là, cette intentionnalité-là, cette source-là, elle n'est pas priable. Ça ne sert à rien de se mettre à plat ventre pour lui dire, ah, regarde comment je suis minus, donne-moi ma crème glacée. Ce Dieu-là n'en donne pas. Lorsque l'on prie au Dieu du monde de la mort, on peut faire du chantage. Je vais tuer une femme, je vais tuer un enfant, alors on fait des sacrifices humains. Quand le Dieu en a suffisamment, quand on a suffisamment tué de nourrisseur pour lui, ben là, il commence à avoir peur, fait que là, il te donne ce que tu veux. Quand on faisait des sacrifices humains, on faisait du chantage. On fait encore souvent la même chose aujourd'hui. Je suis prêt à perdre un bras pour que mon fils survive. Ouais. Le fils risque de survivre, mais là, c'est un culte avec Satan ou avec les forces du mal qui, normalement, engendre le phénomène, puis on risque de perdre un bras ou deux bras. Vous connaissez l'histoire du gars qui va à l'oratoire avec une jambe de bois? Bon, puis qui dit, mon Dieu, faites que mon autre jambe, c'est pareil, il ressort deux jambes de bois. Bon. Ça, c'est quand on s'adresse à des forces un peu plus rapides, mais ça donne pas toujours les résultats escomptés. Que s'est-il passé à la finalité de l'Atlantide? Cette coalition mentale serait-elle en similitude avec eux? Quel a été le rôle de l'Atlantide? L'Atlantide, pour ceux qui l'ignorent, est une panoplie d'îles qui ont été en surface et qui, disons, comme territoire, ça contenait une partie du Sahara, une partie de l'Europe, une grande partie des îles qui couvraient la surface de ce qu'on appelle l'Atlantique aujourd'hui, et une partie des Amériques centrales, l'Amérique du Sud. La plus grande île était Poséidonis, c'est la dernière d'ailleurs qui s'est enfoncée. Et lorsqu'elle s'est enfoncée, la race blanche, neuroniquement blanche, pas cutanée, on n'est pas blanc, enfin tout, mon chandail est blanc, pas ma peau. Lorsque la dernière île s'est enfoncée, il existait donc la race indo-européenne, la race blanche, qui était là pour en prendre conscience. L'Atlantide a existé. Sur l'Atlantide, il y avait une race qui porte le nom de race rouge, la race neuronique rouge. Étant donné que la première race sur cette planète, qui n'était pas comme la nôtre, était relativement transparente, on parle d'une race transparente. Lorsque cette race a migré sur un continent différent qui s'appelle l'Hyperborée, qu'Adolf Hitler d'ailleurs a tout fait pour retrouver, et il y a une partie du Labrador, du Groenland, antiquement le Greenland, sur les vieilles cartes, c'est Terre verte que c'est écrit, mais maintenant on l'a mis Groenland parce que c'était con de appeler ça Terre verte, c'est un bloc de glace. Sur cette partie de la Terre, l'Hyperborée, les êtres humains ont commencé à être un peu plus opaques, alors ésotériquement, ils portent le nom de race jaune parce qu'on commençait à avoir moins à travers. Lorsqu'ils ont descendu plus au sud, ils ont mangé différemment, leur corps s'est densifié parce qu'il y avait donc une terrestrification, le corps est devenu de plus en plus opaque et on appelait ça la race noire. Et lorsqu'ils ont été en Atlantide, par la suite, le sang, l'âme a commencé à travailler chez eux. Le véhicule hormonal, le véhicule de l'âme dans le corps physique, c'est le sang grâce aux hormones. Et c'est pourquoi encore certaines religions refusent les transfusions sanguines, parce qu'ils ont le feeling de transfuser de l'âme, ce qui est plus ou moins vrai. C'est vrai, mais l'âme est digérée par le corps du receveur, et puis ça ne dérange pas. Quand on avait des cérémonies de frères de sang chez les Indiens, on mélangeait les sangs, alors on avait une communion avec l'autre. La race rouge, donc, elle a commencé à avoir une circulation sanguine, donc elle a commencé à apparaître comme étant rouge à cause du sang, et elle s'est appelée race rouge. Et finalement, la peau recouvrant le tout, on a eu la race blanche. La race qui ressemblait le plus à la race blanche, et on a eu la race indo-européenne, dont on est la majorité des descendants. Maintenant, si on regarde la race cutanée noire, ça n'a rien à voir avec la race lémurienne, etc. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais ça, bon, amusons-nous. L'Atlantide est une mécanicité intéressante, et d'ailleurs, Noé était un Atlante. Il travaillait sur les îles Galapagos, lui, avant de bâtir ces deux arches. Et le phénomène atlantéen est un phénomène qui a été très, très, très haut. Il y a eu une sous-race de cette race mère, la race rouge, qui a été extrêmement puissante, qui a été extrêmement intelligente, qui a été suffisamment mentale pour avoir la faculté de travailler la matière de façon à engendrer une technologie hautement avancée. La seule nuance qu'il faut bien comprendre, c'est que les Atlantes se réincarnent, comme les Lémuriens se réincarnent, comme les Hyperboréens se réincarnent, et comme ceux de la Terre sacrée, c'est-à-dire la première Terre de surface de cette planète, le bouclier canadien, dont en l'occurrence le Québec, ceux-là aussi se réincarnent. Alors, une personne qui veut savoir si elle est Atlantéen, ou si elle est Hyperboréen, ou si elle est autre chose, ce n'est pas extrêmement utile. C'est très plaisant pour l'ego, mais ça ne sert pas à grand-chose. Lorsque l'être humain revient au monde, présentement, il a évidemment des facultés atlantéennes qui vont ressurgir, donc des mémoires réincarnationnelles qui vont le réanimer, c'est-à-dire le ressusciter de nouveau au niveau de son évolution, et surtout qu'il présentement la majorité des Québécois et de certaines autres peuplades du monde ont la faculté de pressentir qu'il y a un changement qui vient, parce que justement, ils ont la capacité d'exprimer dans leur conscience un peu plus des personnalités réincarnatives du monde atlantéen, qui eux, lorsqu'ils ont vu que le changement approchait, et ils sont fuis, ils sont revenus en Terre blanche, le Québec, et par la suite, ils ont vu les îles, la majorité des îles s'engloutir, et s'engloutir soit sous les guerres, soit sous les problèmes de marée. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'eau. L'Atlantide a surtout été engloutie par les premiers déluges, lorsque les nuages sont tombés sur le sol. Ceux qui présentement renaissent au niveau du Québec ou du Québécois ne sont pas plus puissants qu'ils étaient. Ils ont simplement la conscience du changement. Ce n'est pas nécessairement eux qui vont engendrer le changement. La majorité des Québécois et la majorité des personnes qui vivent sur le contexte nord planétaire, et en l'occurrence la majorité de ceux qui vivent sur le bouclier canadien, sont nécessairement hyper-hyperboréens, lémuriens, atlantéens, et nécessairement de race viking, c'est-à-dire de race blanche, cinquième sous-race de la cinquième race mère, la race blanche. C'est un peu compliqué, mais je parle pour la personne qui connaît un peu la chose. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'Atlantide aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose. Tout ce que nous devons considérer, c'est qu'il y a cette race qui est la nôtre, une race neuronique et non pas une race cutanée. Et on ne doit pas s'assujettir à savoir si nous sommes assujettis ou si nous sommes esclaves d'une tradition, si nous sommes la réincarnation de ceci ou de cela. Nous sommes du neuf qui n'a jamais été. Et les mémoires réincarnationnelles viennent engendrer chez nous des recherches mémorielles qui nous permettent d'avoir des illusions de prophétie, qui nous permettent de nous sentir peut-être plus supérieurs, qui permettent à certains auteurs d'écrire des livres qui sont très intéressants, mais ça ne change rien au fait que nous ne sommes pas le passé. À travers nous coulent toutes les humanités. À travers chacun des humains de cette planète coulent toutes ces décennies familiales, toutes ces lignées, toutes les humanités. Nous sommes la réincarnation du passé. S'assujettir à une coloration à travers le temps, ça savoir si je suis romain, je suis atlantéen, je suis ceci ou cela, ça ne change pas grand-chose. Il faut faire attention énormément avec ces jeux de l'astral. Nous sommes l'accumulation du passé, oui. Et dans ce passé, il n'y a pas de quoi être trop fier. Alors moi, j'aime autant être en ligne sur ce que je suis présentement. Je n'ai pas compris la façon de prier pour profiter de l'énergie des égrégores. Que doit-on dire lorsque l'on prie en soi individuellement? Faut-il se référer au Créateur, sinon à soi avec son nouveau nom? Bon, alors de toute façon, je donne un séminaire sur la prière. La meilleure chose, c'est soit de me parler après la conférence, soit de faire le séminaire, parce que c'est un peu long, ça dépend encore de ce que la personne connaît déjà. De quelle dimension viennent les êtres à la peau verte avec une couleur de cheveux très pâle? Le premier être vert qui est devenu sur le plan planétaire, c'est au Mexique, n'est-ce pas? Il a été tué par un barbier qui l'a mis dans sa vitrine. Et là, il y a beaucoup de monde qui ont été le voir. Et puis, finalement, eh bien, il y a un savant qui est passé par là, et puis un biologiste, un zoologiste. Et puis, il s'est rendu compte que l'extraterrestre, le petit homme vert aux antennes, était bizarrement... ça lui rappelait quelque chose. Et quelques mois après, la Société protectrice des animaux du Mexique qui est venue arrêter le bonhomme parce qu'il avait tué un singe, l'avait peinturé en vert, il a planté deux clous dans sa tête. Depuis ce temps-là, on est resté avec la tradition des hommes verts, avec les antennes. Lorsqu'une apparition extraterrestre ou lorsqu'une apparition fantomatique apparaît dans le schéma de conscience de certains individus, il est bien souvent archétypé, c'est-à-dire qu'il se relie à ce que l'individu a comme connaissance ou à ce que l'individu peut supporter pour voir une chose. De quel monde ils viennent? Ils viennent tous des mondes parallèles. J'en ai parlé dans une conférence sur les mondes parallèles. Ils viennent de mondes, soit du monde de la mort par projection. Tout à l'heure, j'ai parlé de certaines divinités ou d'égrégores qui tentent pour renourrir la ferveur collective. Ils font des manifestations, des apparitions. Il y en a qui viennent de là. Et au niveau du phénomène extraterrestre, ils se présentent toujours à l'homme comme l'homme peut supporter de les voir. Alors, un individu qui aime bien le mystère les verra différemment. Un individu qui a lu certaines choses les verra différemment. L'extraterrestre lui-même, la forme la moins colorée du mécanisme, la mécanicité extraterrestre, ce sont des êtres qui ont deux grandeurs différentes, soit extrêmement grandes et avec des membres extrêmement allongés, extrêmement minces, soit extrêmement petits de la hauteur d'un enfant de 10 ans. C'est la majorité des phénomènes non colorés d'apparition extraterrestre. Par contre, le phénomène extraterrestre est un phénomène hautement évolutif, c'est-à-dire qui proviennent de plans vibratoires supérieurs aux nôtres. Même s'ils sont plus involués que nous autres, ils sont dans des plans vibratoires supérieurs à nous autres, mais ils sont en phase de refroidissement, donc d'évolution, alors que nous, nous sommes en phase de réchauffement, donc d'évolution. Les extraterrestres, lorsqu'ils viennent, ils ont donc encore la faculté de prendre la forme biologique, physique, spirituelle, qui peut plaire à celui qui le verra. Je répète que l'extraterrestre ne peut pas rester sur la planète Terre s'il ne se plugue pas à un corps physique humain, parce qu'il devient de la boue très rapidement. Dans tous les films d'extraterrestres, ils ne restent pas longtemps parce qu'ils meurent. Et tous les extraterrestres qui ont été ramassés, sur lesquels qu'on a réussi à capturer, sont morts. Et ils étaient tellement débilités physiquement quand on les a trouvés qu'on n'a jamais pu comprendre comment ils avaient pu construire leur vaisseau. C'est normal, ils ne peuvent pas supporter la terrestrification planétaire. Ils ne sont pas assez évolués pour cela. Ces temps-ci, j'obtiens tout ce que j'ordonne à Dieu. Eh bien, je suis très surprise et contente. Parfait. Soyons pas surpris. La surprise, c'est un maudit piège. Comment savoir si l'intelligence, une bonne façon de prière ou une manipulation astrale temporaire pour me faire fermer la gueule? Alors, pour le savoir, c'est facile, tu n'as rien qu'à attendre. Et tu sauras. Chose est certaine, c'est que lorsque l'on prie, on reçoit, si l'on prie bien. Mais il y aura toujours quelque chose qu'on devra donner en retour. Et c'est pourquoi il faut apprendre à prier. Pour que quand on prie, on conclue le pacte qui nous va. Il y a des humains qui prient, et puis ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils vont donner en retour. Il n'y a aucun Dieu qui va accepter de vous donner de l'argent, de vous en prêter sans ristourne. Le Dieu va vous dire, oui, parfait, je te l'accorde, mais fais-moi 25, je vous salue Marie. Ou encore, ben marche jusqu'à telle place, ou va à Lourdes si tu veux que je te guérisse. Tu devras de toute façon payer un tribut pour recevoir des dieux. Alors l'individu qui prie et qui a son résultat, il doit s'arranger pour préparer au plus vite ce qu'il devra remettre au Dieu. Avec les forces sataniques, c'est facile. Ils ramassent ton âme, ils s'en nourrissent. Ils vampirisent. Mais avec les forces divines, c'est plus subtil. Ça peut être comique. Satan prend ton âme. Ça va, on va en parler la semaine prochaine de Satan. Satan, l'atmosphère. Dieu, par contre, va prendre quoi? Ton mari, ta femme, ton fils, ta job. Toi, il te laisse en paix. Tu le nourris. Mais c'est souvent plus dramatique, même si c'est mieux. Alors, c'est donc comment on prie? Ben, ça fonctionne, c'est évident que ça fonctionne la prière. La seule chose qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, On donne du d'en haut, mais il faudra qu'on reçoive quelque part. Il faut s'enligner pour faire un bon contrat. On dit descendre dans la matière, mais tout est horizontal, pas vertical, et à l'intérieur de la tombe, du neutrino au gluon, enfin le neutrino pas dans la tombe, c'est l'extra-créationnalité. L'extra-créationnalité, c'est l'intra-créationnalité. Comment est-il possible que les deux soient la même chose? Bon, c'est simple, il suffit simplement de cesser de tripoter notre intellect pour arriver à comprendre la simplicité de la chose. C'est très simple. Moi, je suis du genre amoureuse contemplative. Au travail, je dois être du genre sérieuse productive. C'est bien. Pas le temps d'être en extase. Mais non. Sur les dossiers que je classe, et pourtant, des fois, ça m'arrive de m'extasier sur ma dexilo. Où est l'intelligence qu'on m'oblige à être différente de ma nature? L'être humain est pluriconstitué. Il y a une partie de l'ego qui se plaît à vivre certains schémas, et il y a d'autres parties de l'ego qui sont ignorées. Alors, à un moment donné, l'ego tourne et c'est les autres parties qui doivent être exprimées. La grosse partie va dire, « Pourquoi suis-je obligé de ne pas être ma propre nature? » C'est ta propre nature, égoïque, et t'es pluriconstitué. « Je veux être en paix. Pourquoi je suis toujours irrité? » Bien, c'est parce que c'est une partie qui est irritable, c'est tout. Alors, la personne, elle exprime sa propre nature, elle contemple sa dexilo, tout va bien, c'est impeccable. Un jour, l'humain sera capable... Regardez ceci. La question est intéressante. Pourquoi? Comment puis-je arriver à être divin tout en tapant ma dexilo? Comment puis-je être divin tout en faisant des changements d'huile d'auto? Comment puis-je être divin tout en changeant les couches des personnes âgées? Comment puis-je être divin tout en faisant le travail qu'on est obligé à faire? C'est ce que tout à l'heure je vous expliquais. La matière, elle doit nous libérer d'elle. Il n'y a pas une personne honnêtement divine qui est continuellement confrontée à devoir gagner sa vie. Par contre, on devient divin lorsqu'on a la faculté de contrôler suffisamment la matière pour que la matière nous libère d'elle-même. Nous ne sommes pas des corps physiques. Alors, nous ne devons pas prendre toute l'intelligence qui nous habite exclusivement pour manger, pour se vêtir, pour bâtir des maisons, pour se protéger. Ça devient quelque peu absurde. Il fallait le faire. C'est bien, c'est bon. Mais là, il y a un problème, c'est que l'être humain doit s'enligner pour vivre. On parle de coalition mentale, on parle de n'importe quoi. Mais la société, la planète doit s'enligner pour changer. Elle va changer contre et malgré ou encore avec certains humains. Mais une chose certaine, c'est qu'il est bien évident que tant qu'on est confronté à devoir travailler 24 heures sur 24, parce qu'on doit se reposer du travail qu'on fait dans la journée, alors nécessairement on est mal pris, l'évolution devient et est attribuée à un passe-temps. L'homme des cavernes évoluait lentement parce que toutes ses heures étaient prises à chasser ou encore à se pousser quand on le chassait. Bon, par la suite, il devait vivre du territoire, faire la guerre, cultiver. Les rois ne pouvaient pas évoluer, les armées non plus, parce que les rois dirigeaient les armées qui dirigeaient le peuple à cultiver. Tout le monde s'occupait. Lorsque l'être humain a eu, à un moment donné, la possibilité d'avoir un peu plus de temps à lui, il a commencé à évoluer. Ça, c'est simplement dans les pays industrialisés, dans ceux qui mangeaient de la viande. Parce que ceux qui végétariens, ceux qui ne mangent pas de viande, n'ont jamais pu développer un plan mental. Celui qui mange de la viande devient belligérant. Il devient agressif et colérique. Mangeant de la viande, il veut conquérir. Et les peuples qui ont été végétariens ont toujours été des peuples conquis. Pas nécessairement conquis, mais conquis. Ceux qui les conquéraient, ces peuples-là étaient dangereux, violents. Par contre, ils avaient des désirs. Ils avaient des extases. Ils avaient des buts. Pas l'autre peuple. L'autre peuple, il s'écrasait, lui, même s'il avait rien mangé, ben, il se disait, les voies de Dieu sont impénétrables. Il s'amusait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que ceux qui mangeaient de la viande, donc les mangeurs de viande, ont subi plus de souffrances que ceux qui n'en mangeaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un ego tellement puissant qu'ils désiraient, et se cassaient la gueule régulièrement. Alors, ils ont vécu des frustrations, développé l'intellect pour mieux réussir. L'intellect est devenu le plan mental, et le plan mental permet à ces mangeurs de viande d'entrer en contact avec le plan supramental. Et maintenant qu'ils seront supramentales, ils deviendront végétariens. Pas avant. Si on devient avant, eh bien on vit bien. Oui, on vit bien, mais on n'évolue plus. On est stagnant, bien. Bon, médium, stagnant. Bon. Lorsque l'être humain poursuit son évolution, il doit engendrer, donc les mangeurs de viande engendrent une industrie. Et cette industrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assujettit l'humain, comme on l'a déjà vu, comme ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, où l'humain travaillait que pour la productivité, alors qu'on travaillait donc pour une société de consommation. Et nous sommes les consommateurs, donc nous consommons notre vie. Plus nous consommons, plus nous forçons d'autres à travailler. Plus les autres consomment ce que nous faisons, plus nous nous forçons à travailler. Moi, j'aime autant aller chez un coiffeur qui est mécanique, qui je n'ai pas besoin de compter toute ma vie, qui me coiffe les cheveux comme ça il tente, Enfin, je le programme, moi je pitonne, je vois la tête que j'ai besoin. Puis une fois qu'il me l'a fait, il l'a en mémoire, quand j'arrive, je donne mon nom, il me coiffe de la même façon. Et puis après ça, je m'en vais. Pourquoi faudrait que je paye? J'ai pas besoin de payer, je suis un être humain. La matière, elle sert l'humain. Moi, je m'assois, elle me fait coiffer, je m'en vais. Je prends l'autobus, ben oui, je prends l'autobus, je paye pas. L'autobus, ça se conduit tout seul. Il est sur des rails, sur des fils, n'importe quoi. Pourquoi payer? Par contre, je devrais faire le travail que j'ai à faire en tant que citoyen de cette planète. Mais pourquoi payer? Je prends de l'essence, je prends de l'essence, ça finit là. Pourquoi faut que je paye? Et parce qu'il y en a qui ont besoin, qui vivent. Non, si on a tout, on n'a pas besoin de payer personne. Parce qu'il y en a un qui ne se contente pas d'un char. Ah, là, je comprends, là, ça complique les choses. Parce qu'il y en a un qui veut absolument être convaincu qu'il aura, il aura suffisamment grand. Ben là, c'est sûr que ça ne va pas. Donc, il y a encore des mutations à faire chez certains humains. Pas tellement grave. Les plus riches sont les plus vieux. Fait que ça va changer tout seul. Comment François d'Assise communiquait-il avec les animaux? Par le vital, c'est ça. Quand tout le monde qui aurait fait ton séminaire sur la prière priera comme il faut, qui Dieu choisira-t-il entre deux personnes qui demandent la même chose? Qui supportera les deux karmas? C'est pas tellement compliqué, parce que la personne qui va apprendre, qui fait mon séminaire sur la prière, ben, va nécessairement aussi apprendre à aller chercher de l'énergie pour faire des choses. Et elle va apprendre qu'elle ne doit pas faire un choix dans ce sens. Ben, moi, j'aimerais gagner la loterie, j'aimerais gagner la loterie, j'aimerais gagner la loterie. Bon. Ça, c'est pas tellement utile. Pour la simple raison que la première chose, l'individu va apprendre à se transformer lui pour arriver à comprendre ce qu'il a besoin. Il y a deux manières de prier. La bonne et la mauvaise. Bon. Dans la bonne manière, il y en a d'autres. Mauvaise. Lorsque l'individu prie exclusivement du point de vue de son ego, il n'aura pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'émotivement, il le demande. Il le veut. Alors, il nourrit le monde de la mort. Il n'aura rien. Il doit être tout à fait neutre. Vous pouvez aller acheter un livre là, sur ceux qui vont jouer à Las Vegas, qui jouent au dans les casinos. La personne, qu'est-ce qu'elle dit? Bien, elle, il faut qu'elle soit vide. Il faut qu'elle se foute royalement de perdre son argent. Sinon, elle est sûre de la perdre. Alors, elle s'en balance. Elle s'en vient. La meilleure chose, c'est de jouer pour quelqu'un d'autre. Que si tu perds, c'est son argent, tu t'en balances. Et là, tu as plus de chances d'être lucide. Tu as plus de chances que ça fonctionne. Quand une personne prie trop émotivement, elle nourrit le monde de la mort. Elle ne reçoit pas le résultat. Quand elle a une raison intelligente d'appliquer les choses, quand elle reste tout à fait lucide et qu'elle contrôle convenablement, ça fonctionne. Mais pour avoir une raison intelligente de faire les choses, la première chose, c'est de s'organiser pour avoir un corps en santé. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de s'organiser pour comprendre comment on doit s'enligner sur la planète pour arriver à se libérer de la matière. Pas de demander qu'on gagne, de demander de comprendre. Il y a des choses qui sont faciles à aller chercher. C'est évident que l'être humain qui veut absolument gagner à la loterie, il va sans doute gagner à la loterie. Mais il va falloir qu'il en donne les trois quarts ou qu'il donne tout ce qu'il va gagner à une église, à Sainte-Justine. Il va falloir qu'il rembourse à Dieu. Hein? Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il va falloir qu'il marche, qu'il use beaucoup de genoux. Et autre chose, quel Dieu allons-nous prier? Ça aussi, c'est important. Jéhovah exécute certaines choses. Yahvé exécute certaines choses. Le Dieu appelé mon Père exécute certaines choses. Quand on veut une guérison, on s'adresse à Dieu, ça ne marche pas, on prie un saint. Oui, parce que le saint, c'est une entité particulière. On aura un résultat que l'autre ne donnera pas. Alors, il faut choisir qui on prie. C'est plus compliqué que juste le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle est la relation entre 1, l'amour, 2, l'intelligence et 3, l'énergie? L'énergie... C'est une matière qui n'est pas révélée et qui, présentement, n'apparaît comme étant le résultat de la matière, même si c'est le constituant de la matière. L'intelligence, c'est de l'énergie qui vibre à une rapidité supérieure à la vitesse de la lumière. Et l'amour, c'est une énergie qui vibre à une vitesse supérieure à l'intelligence. 299 792,5 km à la seconde, c'est la vitesse de déplacement de la lumière dans le vide. Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, rien dans cette création matériellement ne peut aller plus vite que la lumière. L'intelligence est au-delà. Elle n'est pas créactivée, elle n'est pas personnalisée, elle n'est pas coordonnée. C'est autre chose. La relation entre l'amour est donc le phénomène qui peut permettre à l'humain qui est en contact avec le plan bouddhique, je parle de l'amour intelligent, ou je parle de l'amour réel, de l'amour pur, un amour qui fait qu'on ne peut pas haïr, qu'on ne dirige même pas l'amour, un amour qui fait qu'on n'a pas le choix d'aimer. Mais ce n'est pas un amour dans le genre attaché, c'est l'amour psychologique. L'amour a la faculté dans la conscience de l'homme de lui permettre de vivre son évolution. L'intelligence a la faculté dans la conscience de l'homme de lui permettre de comprendre son évolution. L'intentionnalité, le plan divin. Il y aura la copie de l'amour psychologique, l'amour souffrant, l'amour jaloux. Il y aura les copies de l'intelligence, l'intellect. Il y aura les copies de l'intentionnalité, l'illusion du libre-arbitre, et etc. Est-ce qu'il y avait un égrégore christique avant que le Christ soit au ciel? Non. Est-ce que Jésus-Christ l'a inauguré? Oui. Existe-t-il des êtres pensants autonomes qui n'auraient pas été intentionnalisés? Non. Tu as déjà dit qu'éventuellement, il n'y aura plus de ciel. À ce moment-là, est-ce que tous les égrégores seront dissous en même temps? Oui. Et nécessairement, la matière sur la planète Terre, elle va nous servir. Parce que l'énergie qui est placée en haut, ce n'est pas un médicament, vous allez la bouffer. Si l'on n'est pas sur la Terre que pour gagner sa vie, pourquoi sommes-nous venus sur cette Terre? Du point de vue de l'homme, vous n'êtes pas venus sur cette Terre. On vous a planté dedans. Bon. Du point de vue cosmique, nous sommes venus sur ce plan planétaire de façon à engendrer une mécanicité matérielle qui permettrait un jour de contenir de la lumière, de l'intelligence. C'est là. La création est un accident. Et le rôle cosmique de l'homme, c'est de réparer l'accident. L'homme est intentionnel. L'homme n'est pas un accident. L'homme doit vivre d'une façon matérielle. Il doit vivre d'une façon vitale. Il doit donc être animé. Il doit vivre d'une façon expérientielle. Il doit accumuler la mémoire du passé dans sa consistance amique, donc dans le monde de la mort, pour parvenir à devenir existentiel, où il sera instantanément présent. Et lorsque l'intelligence sera capable de toucher de la matière, c'est de la matière, ça. Lorsque l'intelligence est capable de parler par la matière et de l'animer, la lumière est capable d'être matière, donc la matière est capable d'être lumière. Et lentement, il y a un processus qui est... n'a pas encore été connu dans cette création, qui va être le blocage de l'expansion de cet univers. Présentement, elle est en expansion. Une illusion, c'est le temps qui courbe. Mais disons qu'elle est en expansion. Le rôle de l'homme, c'est de la bloquer, par la suite de la ramener. On appelle ça l'amour. Et à un moment donné, il va la ramener à un point tel qu'elle va imploser, disparaître. Et finalement, le temps et l'espace n'existeront plus. Du point de vue spatio-temporel, il n'y aura jamais eu de création. Et c'est le rôle de l'homme. Théologiquement, on dit donc revenir vers Dieu, et moi je dis détruire l'univers. C'est la même affaire. Le Satori du Zen ne constitue-t-elle pas un dépassement des techniques, y compris la technique, le dépassement de toute technique? Le Zen, ça s'adresse à une génétique particulière. Le Zen, c'est la seule technique sur cette planète qui, consciemment, même si ce n'était pas avoué, qui consciemment a permis à certains êtres humains d'entrer en contact avec le plan supramental, malgré leur génétique. Le Satori, c'est un état d'instantanéité qui effectivement libère l'humain de la technique. Le problème du Zen, c'est qu'étant donné que la génétique n'était pas prête, l'individu n'a pas et n'a jamais réussi, l'individu qui a atteint ce Satori, n'a jamais réussi à s'en servir planétairement. Il a entretenu des chemins, il a permis la création de néotypes dans le monde de la mort. Ce fut génial. Aujourd'hui, un Québécois qui pratiquerait le Zen parviendrait à un contact supramental. Sa génétique le lui permet. Et lui pourrait s'en servir. Sauf qu'il y a des techniques maintenant plus rapides pour le Québécois, plus rapides que le Zen, pour y parvenir. Le Zen est la faculté qu'a l'homme de court-circuiter sa pensée. Court-circuitant sa pensée, la pensée disparaît. Il ne reste plus rien sauf la vie. Ne restant plus rien sauf la vie et l'observateur du vide, eh bien, il y a maintenant de la place pour l'esprit. C'est le Zen. Et le Zen a fonctionné surtout par l'intermédiaire de Koan. Koan ça, simplement en permettant à l'humain de comprendre des choses qu'il ne pouvait comprendre autrement que par l'illogisme, le court-circuitement de la pensée. C'est bien le Zen. Sauf que maintenant... bah, c'est plus tellement utile. Quelle correspondance y a-t-il entre le bouddhi du Vedanta et l'énergie supramentale? Il y en a une légère, c'est que celle du... Lorsque les Védas ont amené, lorsqu'on a amené du point de vue indo-arien, la mécanicité des phénomènes divins, donc de Ram, de Krishna et d'autres descendances des plans cielestes à travers la coloration émotive dans le monde céleste, le ciel, il y a eu une pluralisation de paliers qui, de temps en temps, divisait la conscience prémentale en deux ou trois. Alors, on aura donc des retrouvailles. Et il y a aussi, entre chaque plan, il y a une fusion. C'est-à-dire qu'entre le plan bouddhique et le plan supramental, il n'y a pas une ligne droite. On ne sait jamais quand on est dans un ou quand on est dans l'autre, lorsqu'on s'approche de l'autre. Et donc, on a aussi des termes qui désignent l'endroit où il y a la jonction. Alors, il suffit donc de comprendre les mots québécois pour après ça relire les textes anciens pour arriver à comprendre la nuance dont on veut parler. La meilleure chose, c'est toujours de lire un texte dans la langue où il a été écrit. Ça complique un peu les choses, ça va de soi. Quand l'Église nous enseigne que nous sommes des enfants de Dieu, cela est-il une erreur? Non. Puisque vous dites que nous sommes Dieu. Lorsque l'Église enseigne, elle enseigne à l'âme. Elle n'enseigne jamais à l'esprit. L'âme est une partie de Dieu dans le monde de la mort. L'âme est une partie de Dieu, une partie de l'égrégore qui vient animer un corps physique de façon à pouvoir prendre de l'expérience dans le corps physique, ce qui va obliger l'expérience planétaire à nourrir ce Dieu-là. Alors ce Dieu-là est nécessairement ton Père créateur, du point de vue de l'âme, pas du point de vue de l'esprit. Alors les religions s'adressent à l'âme. Les religions prient. Les religions aiment. Les religions haïssent. C'est un phénomène amique. Alors donc, du point de vue religieux, quand l'Église nous enseigne que nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai. Nous sommes ses enfants à ce Dieu. Mais nous sommes aussi ce Dieu. Et nous sommes aussi le créateur de ce Dieu. Nous sommes un maître esclave. Et lorsque nous avons la possibilité de laisser exprimer notre esprit, nous devenons autre chose qu'un simple fils de Dieu. L'humain, qui bien souvent aime être médiocre, refuse souvent de supporter son poids. Mieux vaut être le serviteur, comme ça on n'a pas le poids de la responsabilité de ce qui arrive. Mais il ne faut pas s'en faire. Lorsque l'on devient le boss, on a aussi la compréhension de ce qui arrive. Et pour ça, il faut accepter le poste. Quand on l'a accepté, on passe l'épreuve. Quand on a passé l'épreuve, eh bien là, on se fait instruire. Mais l'humain, il se dit, instruisez-moi avant. Mais non, tant que tu n'es pas pape, on ne dit pas ce qu'un pape fait. Il n'y a rien à faire. Tant que tu n'es pas dans la GRC, on ne t'expliquera pas ce qui se passe au niveau des services secrets. Il n'y a rien à faire. Et l'humain dit, oui, mais si vous me le diriez avant, ouais, si on te le dit avant, tu n'embarques pas, tu sais tout, ça ne marche pas. L'homme est biologiquement un fils de la Terre. Il est vitalement un fils de la Terre. Il est amiquement un fils de Dieu dans le ciel. Il est mentalement un fils de Dieu dans le ciel. Il est supramentalement un fils de Dieu dans les cieux. Il est bouddhiquement un fils de Dieu dans les cieux. Il est divinement un Dieu dans les cieux. Présentement, exprimé dans le corps matériel de l'homme, il y a le physique, le vital, il y a l'âme et le mental. Chez certains individus, il y a le plan supramental. Il y a encore une démarche à faire. Et lentement, on devient fils de Dieu. Fils unique, oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme nous. Mais pas seul fils de Dieu, mais fils unique, oui. Et dépendant de quel Dieu? Moi, pendant une grande partie de ma jeunesse, j'ai adoré un père dans le ciel. Et je l'appelais mon père. Ce Dieu me plaisait. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas la puissance que je lui donnais ou que j'espérais de lui. Parce qu'il ne pouvait pas m'expliquer certaines choses. Et ce n'était pas parce que je ne pouvais pas les comprendre, parce que moi-même, j'arrivais à les expliquer, mais je savais que l'énergie qui me permettait de les expliquer n'était pas celle de mon père, le Dieu que j'appelais mon père, dans le ciel. Alors, j'ai fait différentes recherches. Et aucun dieu d'aucune religion planétaire ne pouvait me donner les réponses que je me donnais. Et la problématique, c'est que les réponses que je donnais, en plus de faire frémir les adultes, n'étaient pas démolissables par eux. J'étais le seul à pouvoir démolir mes réponses. pas les autres. Et j'ai découvert que j'étais capable de prouver qu'un phénomène existait aussi puissamment que je pouvais prouver qu'il n'existait pas. Alors j'ai expliqué pour moi des choses. Alors je suis devenu conférencier parce qu'un laps de temps de l'évolution, on ne peut plus se poser de questions. Alors devenant conférencier, je me suis arrangé pour qu'on me pose des questions. Alors je pouvais répondre. Jusqu'en 1985, où j'ai eu cessé de faire des conférences dans le but de me faire poser des questions. Je pouvais maintenant recommencer à m'en poser des questions. C'est-à-dire que je me plaçais au niveau de différents humains et je lisais leurs questions et je pouvais leur répondre. Lorsque l'être humain entre en contact avec son esprit, il devient un fils de Dieu, mais un fils de Dieu dans les cieux, et non plus un fils de Dieu dans le ciel. Lorsque l'être humain s'en remet à un égrégore particulier, il est un fils de Dieu avoué. Lorsque vous reniez Dieu, lorsque vous doutez de Dieu, vous n'êtes pas des fils de Dieu dans le ciel. Vous êtes des fils de Dieu, mais pas des fils ou des filles de Dieu avoués. Lorsqu'à un moment donné, vous en êtes convaincu, vous voulez vous en remettre à un égrégore archangélique qui permet l'accomplissement de mécanicité divine dans le ciel, eh bien, vous pouvez vous appeler fils ou fille de Dieu. Et là, les religions vont vous dire, « Ferme ta boîte, pour qui tu te prends? » Parce que les religions ne comprennent pas ce qu'elles enseignent. Et ce n'est pas grave. Si ça n'offusque pas Dieu, pourquoi ça devrait offusquer les hommes? Et à un moment donné, eh bien, on arrive à faire des choses que la religion ne peut pas comprendre, et on arrive à faire des choses que les fils de Dieu avoués du ciel ne peuvent pas comprendre, parce qu'on passe à une autre étape. Nous sommes Dieu. Non. Pas dans l'expression que nous avons présente. Parce que Dieu ne se contenterait pas de faire ce que l'homme fait sur la planète Terre, et on n'aurait pas la problématique que nous avons à l'échelle de la planète. Par contre, nous avons la possibilité de l'exprimer. Et, comme j'expliquais souvent, le monde a changé, pas l'homme. Eh, bien, c'est sûr, l'homme est ennemi par l'âme. L'âme, ça n'évolue pas. L'âme, ça l'apprend, ça mémorise, ça meurt, ça se réincarne, ça jouit, ça joue, ça en veut, ça aime, ça haït, ça s'occupe. Ça anime le corps physique, ça fait sécréter des hormones, ça fait muter le corps physique, jusqu'au jour où de l'intelligence, au minimum, va descendre prendre le contrôle de l'âme. Alors, il y aura une guerre entre l'âme et l'esprit, il y aura une guerre entre la foi et le savoir instantané, il y aura une guerre entre le passé et la réalité, il y aura une guerre entre la mémoire et la réalité, et il y aura donc des souffrances nouvelles. Et lentement, il y aura des hommes, il y aura des femmes qui vont être capables de supporter ce contact avec l'esprit et qui vont, au nom d'eux-mêmes, sinon au nom d'un Dieu nouveau, pas un Dieu créé, un Dieu qui se fout de Dieu. Un Dieu qui n'a pas besoin qu'on le prie. Un Dieu qui n'a pas besoin qu'on souffre pour lui. Un Dieu qui n'a pas besoin qu'on meure pour lui. Un Dieu qui est suffisamment divin pour savoir qu'on l'aime. Pas besoin d'y dire. Un Dieu qui n'est pas comme les rois de notre planète. Un Dieu de guerre et de vengeance. Un Dieu avec des armées. Un Dieu avec un paquet de lois. Un Dieu que tu dois venir rencontrer à genoux, comme les rois planétaires. Un Dieu qui n'est pas comme les dieux créés à l'image et la ressemblance des structures de l'homme. Lorsqu'on rentre en contact avec cette mécanicité, on ne l'appelle même pas Dieu. Il n'a pas besoin. C'est l'énergie. Et ça ne nous parle pas dans notre tête. Ça ne nous dit pas quoi faire. On le sait. Parce que ce Dieu nous permet d'entrer en communication avec lui. Il ne nous dit pas, reste là, puis quand ça me tenterait, je te parlerai. Non. Quand l'humain est prêt, nécessairement Dieu est prêt. Je ne parle pas des dieux créés par l'homme à l'image de l'homme. Je ne parle pas des dieux dans le ciel. Ces dieux dans le ciel s'adressent à l'homme sur la terre, à l'animal humain. Ils sont intéressants et utiles. À un moment donné, on doit les dépasser. Et lorsqu'on les dépasse, eh bien, on doit maintenant s'en servir. Je parle d'un Dieu qui ne vous demandera pas de souffrir. Un Dieu qui ne vous demandera pas d'être malade. Un Dieu qui ne vous demandera pas de perdre ou de gagner de l'argent. Je ne parle pas de ces dieux-là. Ça, ce sont des occupations du monde de la mort. C'est intéressant, ils fournissent de l'eau. Où l'homme transitif risque-t-il de rencontrer le plus d'individus intelligents sur la Terre? Que pense l'homme qui vit une coalition mentale du mariage? Le mariage est l'accomplissement céleste, non pas cieleste, céleste, de la fusion entre deux personnalités réincarnatives, de façon à engendrer le plus, premièrement, de permettre une procréation, ça va de soi, mais de façon surtout à engendrer le plus d'initiation possible entre deux êtres humains, de façon à ce qu'ils sécrètent au maximum le maximum d'hormones que leur corps pourra supporter. Et le mariage oblige donc deux humains à s'unir pour le pire le restant de leur jour. J'ai déjà dit qu'on ne s'unissait jamais pour le bon, parce qu'on ne signe jamais un contrat quand tout va bien. On signe un contrat pour quand ça va aller mal. Alors on s'unit toujours pour le pire. Et le mariage, c'est la un phénomène très intéressant qui permet à l'humanité, qui n'est pas encore consciente de ce qu'elle fait, de s'unir pour pouvoir manger de la merde ensemble, l'un contre l'autre, une grande partie de sa vie, de façon à muter le corps physique, de façon aussi à muter les enfants, parce que nécessairement, on éduque les enfants en se chicanant devant eux, et de façon donc à obliger des mutations plus rapides du corps physique. L'homme nouveau ne se marie pas. Il n'a pas besoin de sceller dans le ciel ce qu'il veut bien sceller dans la matière. Par contre, il sera capable de comprendre qu'une union est nécessairement limitée, qu'une rencontre est le début d'une séparation. Et étant donné qu'il s'alliera ensemble par raison intelligente, et non pas par amour psychologique, mais par amour intelligent, s'il a des enfants, il restera ensemble tant qu'il y aura des enfants. Nécessairement, ils ne se chicaneront jamais parce qu'ils ne pourront pas être jaloux. Ils ne pourront pas faire de conneries. De toute façon, l'homme nouveau ne court pas les femmes pour leurs fesses. La femme nouvelle ne court pas l'homme pour sa sécurité. Les relations sexuelles, ça sert à la procréation chez l'homme nouveau. Et c'est plate. J'ai fait plusieurs conférences sur la sexualité de l'évolution. Il y a autrement mieux que la sexualité exclusivement biologique. Présentement, l'homme qui et la femme qui vivent une relation sexuelle, vous savez, de temps en temps, on m'invite à la radio et on me demande, bon, alors, le problème du couple, c'est quoi? Puis quand j'ai dit une fois en onde, bien, c'est drôle, mais toute la problématique du couple est basée sur comment est votre vie sexuelle. Parce que si ça ne va pas dans le couple, ça ne va pas dans la vie sexuelle. On a une très, très bonne idée de ce que c'est qu'un homme et une femme sur la planète. La vie sexuelle, c'est exactement comme si vous aviez appris à manger l'écorce d'un pommier. Vous n'avez pas encore appris à connaître le goût de la pomme. Alors, à un moment donné, on va vous dire, un jour, vous ne mangerez plus d'écorce de pommier, vous mangerez la pomme. Et tout le monde dit, ah, ben ça va être plate, maudit. La sexualité, c'est chez l'homme, est encore à la phase animale. Oh, la femme a appris à se tourner sur le dos. Ça fait que l'homme et la femme peuvent se connaître ventre à ventre. C'est une évolution. Effectivement, c'est une grande évolution. Les crocodiles ne font pas ça, les éléphants non plus. Il n'y a aucun animal à part l'homme qui le fait. C'est une grande évolution. Faire l'amour face à face. Sauf que ça n'a pas été très, très loin après. On est retourné rapidement aux techniques ancestrales. Il y a d'autres sexualités que la sexualité biologique, et de toute façon, l'homme nouveau va la découvrir, la femme nouvelle aussi, et l'enfant pourra y participer. Ça ne procréera pas. Ça va être une communion énergétique. Donc, le mariage, c'est un phénomène intéressant qui permet différentes choses, comme on l'a vu. Est-ce que c'est nécessaire? On peut constater que les couples qui ne sont pas mariés restent souvent plus longtemps ensemble que les couples mariés aujourd'hui. Bon, alors finalement, lorsque l'on comprend l'intelligence de s'associer, on s'associe. Lorsqu'on comprend l'intelligence de se libérer, on se libère. Mais si on s'est marié, ça coûte cher de se libérer. Alors on reste associé. Et on se sécrète. De quelle façon peut-on percer la superficialité des gens d'aujourd'hui? En s'entraînant à voir au-delà de la forme. En s'entraînant à voir au-delà que des corps physiques. Et tant qu'on n'est pas capable, c'est que nous-mêmes, nous sommes superficiels. Alors, ne demande pas aux autres de ne pas l'être. Et qu'est-ce que c'est qu'un être superficiel? C'est exactement comme si on me disait, comment puis-je faire pour avoir la faculté de voir la nuit? Comment pouvons-nous rendre la nuit plus claire? Il y a une chose. Peut-être que les gens sont superficiels, non pas parce qu'ils sont superficiels, parce que nous ne sommes pas capables de voir mieux. Rendre la nuit plus claire, c'est intéressant. Mais cesser de s'aveugler avec notre propre flashlight, c'est peut-être mieux. Alors, qui est superficiel sur la planète? Celui qui ne voit que la superficie, celui qui ne voit que ce qu'il recouvre? Alors que l'autre te dit tout de A à Z. Je rencontre une personne, elle vient me voir dans mon bureau, et puis là, elle est là, le pied se promène de même. Puis là, elle allume sa cigarette, puis elle se promène. Puis là, je lui demande, est-ce que vous êtes nerveux? Non, absolument pas. Et là, je lui dis, elle est superficielle. Mais non. Elle me le dit qu'elle est nerveuse. Elle tremble du pied, elle s'allume une cigarette, elle se promène, elle est nerveuse. Quand quelqu'un vous aime, même s'il vous dit « je te hais », les mots, c'est une chose, les mots. Mais tout le reste au complet, qu'est-ce qu'il vous dit? Il n'est pas superficiel. on voit superficiellement. On s'est entraîné à être superficiel dans notre vision. De façon à quoi? Moi, je me trahis tellement que je vais éduquer toute la planète à ne voir que des choses superficielles pour qu'ils ne voient pas ce que je trahis. Et comme tout le monde, vous avez peur qu'on vous découvre, eh bien, vous avez toujours instruit les autres à vous voir superficiellement, ce que finalement, quand on se regarde, on ne voit que notre décorum. Et que t'as un beau chapeau, et que t'as une belle bague. Bon, on voit rien que les choses superficielles. Mais on n'est pas capable de rien cacher. Il y a un cours que je donne présentement, où l'individu apprend simplement à décoder. C'est facile, c'est facile. Vous prenez n'importe quel humain sur la planète, puis vous pouvez tout savoir où ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, comment il marche. Ah, lui, il ne sait pas. Il le décode, il l'exprime, il n'est pas superficiel, mais pas en tout. Et parce que nous, nous sommes habitués à ne voir que la superficie des choses. Quand on dit, oh, rien qu'une fourmi, t'es un fou. Là, la fin qui n'a pas été superficielle, c'est ma vision qui est superficielle. C'est pas la fourmi. Si nous sommes intentionnels en venant dans ce monde, nous ne sommes pas un accident. Hein? Pour aborder et absorber les mémoires moronciennes et que cet être suprême s'est expansé et dans pour lui, ça devrait se produire. Enfin, on va lire. À la finalité, quand tout sera rendu à la source, cette intentionnalité, cet état intentionnel que nous sommes, pourrait-il se reproduire? La question, c'est quand on aura fini, ça va-t-il recommencer? Non, ça ne recommencera pas. On ne jouera pas de l'harpe ad vitam aeternam sur un nuage. Vous savez, il y a des choses extrêmement pénibles encore à comprendre. Lorsque l'être humain, de temps en temps, on essaie de me pousser en conférence spéciale pour que je parle de ce qui existe au-delà de la création. Et les mots ne sont pas encore inventés, la langue n'est pas encore suffisante pour arriver à le faire. Et surtout, c'est tough, c'est dur pour l'humain. Ça fait mal. L'humain essaie de comprendre, l'humain y arrive presque, puis l'humain décroche chaque fois qu'il peut y arriver. C'est dur. Pourquoi? Parce que toute notre vision de pensée est tridimensionnelle. Nous avons une pensée tridimensionnelle, ce qui empêche totalement la compréhension des 13 dimensions de cette création et de l'absence de dimension du processus extra-créationnel au-delà de la création. Lorsque tout sera fini, on va ressembler à quoi? On pourra même plus regarder une vidéo. Et ça, c'est un processus de l'ego. Fait pas une peur de l'âme qui a peur de ne pas être capable de se nourrir de l'expérience qu'il a créée. Une peur de l'âme qui a peur de ne plus être capable de se nourrir de la vie. Une peur de l'âme qui a peur de se dire, ben si j'ai plus rien, je vais mourir. Il n'y aura plus d'âme non plus. On ne peut pas comprendre que peut être la vie sans toute cette planète, sans même cette création. Une chose est certaine, c'est que lorsque l'on parle dans certaines traditions du cycle qui se répète régulièrement, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge des reins, l'âge de fer, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge des reins, l'âge de fer, on est en croissance là-dedans. Le cycle ne se répétera pas éternellement. Mais tant qu'il y aura cette mémoire, dans la mémoire, le cycle sera, et par la mémoire, il sera éternel. Lorsque l'homme aura accompli son travail, le temps sera digéré. La matière n'ayant plus le temps d'être, l'espace sera digéré. Et il n'y aura jamais eu de création. Que va-t-il se passer par la suite? Nous verrons cela la semaine prochaine. L'humain n'est pas encore prêt à voir cela. L'humain doit commencer par comprendre qu'il n'est pas de la boue, qu'il n'est pas l'esclave et le serviteur d'un Dieu. Qu'il n'y a jamais eu d'entité intelligente qui s'ennuyait au point de créer des serviteurs d'esclaves. De leur dire, je vous donne la bombe atomique, maintenant faites ce que vous en voulez. Si vous la faites sauter ou ce qu'il ne faut pas, vous serez punis, et etc. D'un Dieu qui a pris du temps en créant le monde de créer un enfer. Parce qu'il s'est dit, dans ceux que j'ai créés qui sont parfaits, on va en avoir plein d'imparfaits, on va les envoyer là. Il faut commencer par comprendre que cela n'est pas la réalité. Il faut aussi comprendre que l'être humain est quelque chose de génial. Pas parce qu'il est exprimé comme il est exprimé, il lui manque encore bien des choses. Mais avant de comprendre ce que va être notre existentialité une fois la création achevée, on doit au minimum commencer à se servir des peu de prérogatives qui sont attribuées à l'humain dans la présente phase de conscientisation sur la planète. L'homme souffrira encore. L'homme sera encore assujetti à être malade. Mais il y aura des humains qui vont de plus en plus être capables de prendre l'énergie du monde de la mort, pour commencer, et l'appliquer sur leur propre corps physique. Il y aura de plus en plus d'humains qui auront la faculté de l'appliquer sur le corps physique d'autrui, mais seulement de ceux qui méritent, c'est-à-dire de ceux qui ont une raison intelligente d'être en santé. On ne guérit pas gratuitement par assujettissement émotif. On guérit intelligemment, par assujettissement écologique. Il y a énormément de questions. À travers ces milliers d'années, l'être humain finit par se dire qu'il n'est rien. Parce que l'histoire lui prouve qu'il est toujours resté assis sur une chaise pour manger, ou assis à terre. Parce que l'histoire lui prouve qu'il y a toujours eu des maladies, des guerres, des famines, des abondances. Parce qu'aujourd'hui, notre vie est confinée à savoir si on est trop gros ou trop maigre. À savoir si on est assez fort, à savoir si on va plaire. À savoir si on va gagner suffisamment d'argent avant de mourir. On doit vivre d'une autre vie. On doit vivre d'une vie qui est vivante. Pas une vie qui est exclusivement axée sur la fuite de la mort, de l'oubli. L'homme est quelque chose de génial. Il est à 4,5 milliards d'années de sa création. Dans la création, il est jeune. Il a la faculté présentement de voler avec des avions qui pèsent des tonnes et des tonnes. Il pollue l'air en volant. Il est encore assujetti à une évolution karmique. Vous voulez quelque chose de bien, vous payerez par quelque chose de mal. L'homme va changer. Cessez de vous fier au passé pour savoir votre avenir. On peut tout changer de A à Z ou de A à A facilement. Lorsque l'on pose des questions sur le but, bloquer l'évolution expansive de l'univers, telle est la fonction de l'homme. Quand on pose des questions sur qu'était-il avant, il n'y avait rien avant. Quand on pose la question qu'y aura-t-il après, il n'y aura rien après. Et quand on pose la question, bien, nous autres, on va être où? Nulle part. Et quand on pose la question, bien, nulle part, c'est quoi? Nulle part, ce n'est pas définissable. Il n'y aura pas de temps, il n'y aura pas d'espace. Donc, vous ne souffrirez pas, donc vous serez tout, donc vous serez existentiel, donc vous ne serez pas personnalisé ni pré-personnalisé, vous ne serez pas subordonné. Ça va être comment? Étant donné que l'être humain est continuellement assujetti à se comparer à ce qu'il connaît sur la planète Terre, oui, mais qui va être le patron? Qui va être en dessous? Il n'y aura rien en dessous, il n'y aura rien au-dessus. Il y aura l'homme. Pas dans un corps physique. Pas dans un corps d'énergie, pas dans un corps de supra-énergie, dans quelque chose d'autre qui n'existera pas, c'est-à-dire qui sera instantané. Et l'instantané est banni, le passé est banni, l'avenir est banni, le présent. Et l'être humain se dit, oui, mais lui, une merde. Alors, tout ce que je peux lui dire, s'il n'y a pas de merde, reposez-vous encore un peu, puis dans quelques années, bien, vous saurez. C'est vachement mieux que tout ce que vous pourrez imaginer. Sommes-nous tous destinés à transformer notre corps physique en corps de lumière? Et est-ce là la dernière incarnation? C'est la dernière incarnation. C'est pas la fin de notre travail. Sommes-nous tous destinés? Oui. Mais étant donné qu'il y a de la réincarnation pluralitaire, il y aura évidemment 144 853 corps physiques d'ici quelques années, dans laquelle toutes les humanités seront incluses. Si quelqu'un se dit venant au nom du Christ et étant le Christ, comment savoir si c'est exact ou non? Ça n'a aucune importance. Ce qu'il dit fait du sens, appliquons. Si ça ne fait pas de sens, n'appliquons pas, c'est simple. Merci de tous ces éclaircissements, je comprends mieux. Bon. Je trouve que Kemp est si proche de Kempo que je doute que ce soit un hasard. Encore merci. C'est un hasard. Bon, Kempo, c'est un art martial qui a dégénéré en kung-fu. Quand ils n'ont plus rien compris. Je m'empêche d'être heureuse à cause d'une autre personne qui a le malheur étampé dans la face. On a inventé le maquillage. C'est pas pour rien. Pourquoi moi serais-je heureuse et pas elle? Pendant que vous êtes malheureux, moi, ça m'arrange. Parce que pendant que vous supportez une partie du malheur de l'humanité, moi, ça me permet de mieux dormir. Pourquoi doit-il y avoir des humains malheureux? Pour qu'il y en ait des humains heureux. On est dans un monde encore karmiquement noir. Tout à l'heure, j'expliquais. On va dans un avion, bien, on pollue. On a des automobiles, ça va plus vite, mais on pollue. Avant, on avait des chevaux, bien, OK, ça faisait des petites pollutions. Mais c'est pas pire, on s'en servait comme engrais. Plus on a quelque chose de bien, plus karmiquement, il y a un problème. Il y a des humanités complètes, des sociétés, des nations complètes qui souffrent exclusivement pour qu'on puisse continuer à avancer. Pourquoi devrais-je être heureux et l'autre